obligé d'ouvrir le portail là, que j'aille m'occuper des bêtes là. Donc je reviendrai dans l'après-midi si t'es là, on continuera de bricoler. Allez, je te souhaite un bon appétit. À plus, Philippe.